Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Tout le monde, ou presque, est sensibilisé aujourd'hui à la cause animale. Et pourtant, l'association qui a en charge nos amis les bêtes va mal, très mal. Écoutez, c'était sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews. Oui, je sais, on parle peu de Jean-Marc Morandini sur France Culture. Bah voilà, hein, c'est une exception. Pourquoi cette ampleur? Je vous avoue que nous avons vraiment du mal à comprendre. Ne vous laissez pas emporter par ces salissures, par ces torchons, parce que le boulot qui est fait par la SPA, il est fait avec le cœur, il est fait avec détermination. Oui, je suis émue en vous disant ça. Je suis là pour me justifier sur une procédure disciplinaire d'une femme qui a fait des euthanasies non justifiées et dissimulées par de fausses adoptions. On marche sur la tête dans cette affaire. Là, on parle d'animaux euthanasiés sans raison. Ça va à l'encontre de notre éthique, ça va à l'encontre de nos valeurs, ça va à l'encontre des promesses que l'on fait aux gens qui nous soutiennent et de nos adhérents. Et finalement, c'est le discrédit total qui est jeté sur l'ensemble de la protection animale. Natacha Harry, la présidente de la SPA, enfin je devrais dire l'ancienne présidente de Nikos Nahr, vous êtes journaliste au Monde, vous avez suivi cette affaire. Natacha Harry a démissionné, c'est un problème de gouvernance et ce problème de gouvernance, il révèle ce que vous avez appelé un temps de chien à la SPA. Il va falloir que vous nous expliquiez comment cette association qui en apparence à tout le succès qu'on pourrait imaginer, beaucoup d'adhérents, beaucoup de sous, arrive à une situation d'échec. Oui, c'est une association qui effectivement a une image formidable dans la population. C'est une des associations préférées des Français. C'est une grosse association, effectivement, 650 salariés permanents, plus des milliers de bénévoles, plus des adhérents, à peu près 20 000 adhérents. Puis des tas de gens qui viennent dans ces refuges le week-end adopter un chien, un chat. Elle a, vous le disiez, un boulevard devant elle, parce que la protection animale, c'est vraiment un sujet auquel les gens sont de plus en plus sensibles. C'était même un des sujets du bac, là, cette année du bac de français, il y a quelques jours. Et pourtant, ça va mal, au point que Natacha Harry, sa présidente, a annoncé effectivement sa démission, qui prendra effet en juillet, en disant « trop c'est trop, je suis trop attaquée, ça devient insensé et j'ai besoin à la fois, je pense, de se protéger elle-même et puis, elle dit, de protéger l'association contre tout ce torrent de boue, ces calomnies, ces salissures, comme on vient de l'entendre. » De quoi s'agit-il ? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Il y a effectivement une crise de... Il faut peut-être d'abord rappeler que la SPA, c'est une rechute. Vous qui aimez les chutes et les fiascos, c'est une rechute. La SPA a connu une crise bien plus grave il y a quelques années. À l'époque, elle perdait beaucoup d'argent. Elle était extrêmement mal gérée. La Cour des comptes qui a plongé dans les dossiers était effarée à chaque page. Et il a fallu nommer une administratrice provisoire tellement la situation était catastrophique. Et puis, on a remis un peu d'ordre dans cette maison. Natacha Harry a été désignée comme présidente. C'est une ancienne, c'est une journaliste de télé qui travaille notamment sur Télématin, qui était chargée de redresser puis de donner une image un peu plus glamour à cette association après le temps des pertes de l'administratrice provisoire. Elle est plutôt bien accueillie et on peut imaginer que la SPA, donc là on est en 2013, il y a 5 ans à peu près, elle va poursuivre son bonhomme de chemin. Il va se redresser. Et c'est effectivement en partie le cas. Les comptes, petit à petit, sont remis à peu près d'équerre. On fait un effort sur la gestion, sur les appels d'offres qui étaient passés de façon un peu olé-olé. Et puis, les travers reprennent un peu le dessus. Natacha Harry s'aperçoit qu'elle a fait des recrutements qui ne sont pas les bons, semble-t-il. Donc, en début d'année, elle a licencié son directeur général, le directeur administratif et financier, la directrice juridique. Ça fait quand même trois. Beaucoup de licenciements. Ça fait au comité exécutif là de cette PME de 650 personnes, ça fait quand même un peu mal. Le secrétaire général, qui est le numéro 2 bénévole de l'association, puisque Natacha Harry est bénévole aussi, a du coup claqué la porte parce qu'il estimait que ses licenciements étaient infondés. Donc une crise de gouvernance. Natacha Harry dit mais les gens que j'ai virés, c'était des gens qui me salissaient, qui faisaient des blagues d'un humour tout à fait scandaleux, qui traitaient les vieilles dames qui donnent de l'argent à la SPA de vieilles dames fossilisées. Bon. Donc il fallait, ils crachaient dans la gamelle du chien. Ils crachaient dans la gamelle. Il fallait les écarter. Et les personnes écartées disent mais non, pas du tout. Enfin oui, bien sûr, c'était un peu un humour peut-être un peu déplacé. Mais au fond, ce qu'on on est surtout là parce qu'on n'a pas fait allégeance à Natacha Harry, et Natacha Harry qui est très narcissique, puisque finalement elle serait narcissique. En tout cas, elle est très attentive à son image. Elle fait beaucoup de communication, beaucoup de com à un coût élevé. On a dénoncé en fait cette dérive autocratique et on est remercié dans tous les sens du terme. Voilà. Du coup, il y a une crise de gouvernance et c'est pas la première fois. En fait, c'est assez classique dans les associations d'avoir des tensions entre les bénévoles élus qui sont censés diriger mais qui sont jamais élus pour leurs compétences de gestion, de management, et puis les mercenaires, si je puis dire, les salariés qui sont là pour faire le boulot et qui, là en l'occurrence, c'est des gens qui venaient du monde de l'entreprise, qui avaient envie de redresser la boîte en quelque sorte, de redresser les comptes, de serrer les boulons, et voilà, tout ça a provoqué une crise incroyable. Est-ce que la mission de la SPA est aujourd'hui en péril, puisqu'en fait, ce qui a été exhumé en quelque sorte, au travers donc de cette polémique, c'est qu'il y aurait des pratiques qui seraient des pratiques complètement contraires à la protection des animaux de Denis Costa. Qu'est-ce que vous avez, vous, constaté ? Oui, il y a eu des pratiques un peu étonnantes. Tout se cristallise autour de la question de l'euthanasie. En principe, ça a été inscrit dans les statuts de la SPA depuis quelques années. On n'a pas le droit de tuer des chiens, puisque la SPA est censée plutôt les protéger que les tuer. Mais en réalité, évidemment, il y a des chiens qui posent problème, qui sont dangereux, qu'on ne peut pas garder et que personne ne voudra jamais adopter. Donc il y a des procédures qui ont été fixées pour que néanmoins on puisse tuer ces chiens. Et puis, il se trouve que dans un refuge, celui d'Hermeray, la directrice n'a pas respecté complètement ses procédures et a euthanasié un nombre un peu plus important de chiens qu'il n'aurait fallu et a triché, n'a pas respecté la procédure. Tout ça a provoqué une polémique. Cette directrice était considérée comme une perle. Elle avait une excellente image dans la SPA. Et quand Natacha Harry a décidé de la licencier pour faute grave, pour cette faute d'avoir pratiqué des euthanasies de complaisance, dit-elle, ben voilà, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a provoqué une polémique. Il y a une pétition pour défendre cette directrice qui a récolté là aujourd'hui 20 000 signatures. C'est presque autant que le nombre d'adhérents de l'association. Donc c'est dire que voilà, il y a un problème. Évidemment, il y a cette question de l'euthanasie, de qu'est-ce qu'on fait pour les animaux, est-ce qu'on les protège ou est-ce qu'on les protège pas. C'est vrai que pour l'image de l'association, c'est terrible. Mais ça ne concerne en réalité que quelques chiens et ça ne remet pas en cause, c'est ce que dit Natacha Harry avec tout à fait raison, ça ne remet pas en cause le fait que tous les ans, il y a des milliers, des dizaines de milliers de chiens qui arrivent, de chats qui sont recueillis, qui sont sauvés et qui sont recueillis et que cette association fait par ailleurs plutôt bien son boulot. Mais il y a une autre question qui est quand même celle de savoir, est-ce qu'on s'en tient aux chiens et aux chats? Le métier traditionnel de cette vénérable association fondée au 19e siècle, ou est-ce que on va sur d'autres terrains, celui C'est-à-dire, alors là, justement, il faut voir dans quelle mesure, effectivement, cette crise révèle un problème d'orientation, de stratégie. Oui, il y a un débat, en tout cas, au sein de l'association. Est-ce qu'on reste sur cette mission traditionnelle de la SPA ou est-ce qu'on va dans d'autres domaines de la protection animale, de la défense de l'animal? Est-ce qu'on lutte contre la corrida? Est-ce qu'on lutte contre la fourrure? Est-ce qu'on lutte contre les abattoirs? C'est des terrains qui ont déjà été investis par d'autres associations, à vrai dire. Il y a Brigitte Bardot sur la fourrure, il y a une association bien connue aussi qui filme ce qui se passe dans les abattoirs. Et il y a eu visiblement un grand débat interne à la SPA sur quelle est finalement notre identité, notre champ d'action. Et ce débat-là, il s'ouvre à peine, à vrai dire, avec l'élection qui se profile, puisqu'il va y avoir une nouvelle présidence intérimaire. Est-ce que l'on peut dire, Denis Costa, qu'il y a finalement un certain nombre de personnes qui, au sein de la SPA, pensent que la SPA n'est pas assez radicale? Oui, certains, en tout cas, bon, c'est pas un repère de radicaux, hein, c'est pas des zadistes de la cause animale qu'on trouve à la SPA. Mais évidemment, il y a des gens qui disent trop sage. Les chiens et les chats, c'est bien. Il faut faire ce métier, il faut le faire bien, sagement, avec des vétérinaires, en suivant toutes les règles nécessaires. Et c'est déjà pas facile parce que là, ils sont confrontés depuis un peu plus d'un an à une baisse des adoptions. Donc ça, c'est si le métier principal ne marche pas, c'est pas la peine Pourquoi de se diversifier. Pourquoi une baisse des adoptions ? Ben, on ne sait pas, à vrai dire. Donc ça reste un mystère qui reste à comprendre. Et c'est une baisse significative ? Oui, ça a baissé de, je crois, de plus de 7% l'an dernier. Ça continue. Donc oui, s'il y a moins d'adoptions, ça veut dire que les refuges sont remplis de chiens qui ne trouvent pas preneur, de chiens, de chats, mais surtout de chiens qui ne trouvent pas preneur, de gros chiens noirs. Parce que les chiots, ils partent tout de suite, mais les gros chiens noirs qui font un peu peur, bah, ils restent dans les cages un an, deux ans. Donc là, l'urgence, la priorité, c'est évidemment de régler ce problème, de savoir pourquoi il y a moins de gens qui viennent dans les refuges, pourquoi ils ne prennent pas les chiens. Puis ensuite, il y a des gens qui disent, bah oui, mais on s'appelle société de protection des animaux. Pas forcément uniquement des chiens et des chats et des petites souris et des hamsters. Il y a des animaux qui souffrent beaucoup plus, finalement. Il y a les vaches qui sont envoyées à la boucherie. Il y a toute la cause animale qui peut être défendue et élargissons notre territoire. Alors, Natacha Harry avait fait... C'était beaucoup peu impliqué. Elle aime beaucoup les chevaux. Donc, elle s'était pas mal impliquée. Il y a eu un refuge spécifique qui a été créé pour les chevaux. Mais voilà, le débat peut être beaucoup plus large. Jim est un battant, un vainqueur, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même. Jamais il n'hésite à s'élancer dans une course effrénée. Mais celle dans laquelle il vient de se jeter risque d'être la dernière. Seul, Jim va devoir faire face à la faim, la soif, la peur. Comme lui... Chaque été, 60 000 animaux sont abandonnés. Parfois, ils se blessent. Toujours, ils se relèvent, dépassant leurs propres limites. Et nombreux sont recueillis, soignés et nourris dans nos 63 refuges et maisons SPA. Quel avenir voyez-vous pour la SPA de Denis Cosnard ? Parce que on voit bien, en fait, que cette cause étant aujourd'hui extrêmement populaire, j'allais presque dire consensuelle, ça n'est pas encore à ce stade, mais enfin... On voit bien qu'en fait, la représentation des animaux a considérablement évolué ces derniers temps. Et du coup, eh bien, une association qui pouvait jadis travailler dans son coin est aujourd'hui obligée de rendre des comptes, doit faire face à toute une série de nouvelles doctrines ou de nouvelles positions par rapport aux animaux. Donc ça ne doit pas être évident. Bien sûr, c'est pas évident. L'avenir de la SPA, d'abord, il faut qu'elle règle son problème de gouvernance, qui est un problème quand même structurel. Ça fait des années qu'il y a une valse des dirigeants mais on qui s'est accélérée. Je pense qu'il est lié au fait que la SPA a connu des années noires, qu'elle est un peu rattrapée par son passé. Donc il y a des procès, des enquêtes judiciaires, administratives, tout ça qui est lié au passé. Ça n'incite pas évidemment les dirigeants actuels à rester et à garder leur casquette de façon très sereine. Il faut régler ce problème de gouvernance et puis il faut effectivement de la transparence, beaucoup plus de transparence sur les comptes, sur la situation réelle. Et il faut sortir de l'ère du doute parce que là, on est un petit peu en ce moment avec cette crise, avec cette polémique, dans l'ère du soupçon. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres associations qui prendraient... pas le leadership, parce qu'aujourd'hui, la SPA est quand même dans une situation de domination sur ce marché-là. Mais enfin, est-ce que c'est un leadership qui commence à être grignoté ? Il y a un moment où il était un petit peu grignoté, oui, parce que toute cette période difficile, ça entraînait une dégradation de l'image. Donc, forcément, derrière, les dons et les legs se réduisaient. C'est évidemment le nerf de la guerre, les legs. Ça représente plus de la moitié des recettes annuelles. Donc, effectivement, derrière la défense de la cause animale, il y a pour les gens qui gèrent l'association, ou les associations de protection des animaux d'ailleurs, il y a un enjeu majeur qui est avoir une bonne image, faire de la pub, faire de la com, pour derrière récupérer les legs qui sont évidemment vitaux pour réaliser les activités de ces associations. Merci beaucoup, Denis Cosnard. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde. Superfell a été piétiné à la production par Anaïs Isebaer, gâché à la technique par Antoine Pitiloni et dévasté à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.